Souvent des pleurs, parfois des rires. Est-ce ça ma vie? Souffrance dans l'âme, méchant battement pour. Est-ce ça mon amour? Ne rien.